Chapitre 9, le Del Norte. Pendant plusieurs jours, nous côtoyâmes le Del Norte en le descendant. Nous traversâmes beaucoup de villages, la plupart semblables à Santa Fe. Nous eûmes à franchir des séquias, des canaux d'irrigation, et à suivre les bordures de champs nombreux étalant le vert clair des plantations de maïs. Nous vîmes des vignes et de grandes fermes, haciendas. Celles-ci paraissaient de plus en plus riches, à mesure que nous nous avancions au sud de la province, vers le rio Abaro. Au loin, à l'est et à l'ouest, nous découvrions de noires montagnes, dont le profil ondulé s'élevait vers le ciel. C'était la double rangée des montagnes rocheuses. De longs contreforts se dirigeaient de distance en distance vers la rivière, et en certains endroits semblaient clore la vallée, ajoutant un charme de plus au magnifique paysage qui se déroulait devant nous à mesure que nous avancions. Nous vîmes des costumes pittoresques dans les villages et sur la route. Les hommes portaient le serape à carreaux ou la couverture rayée des Navarros, le sombrero conique à large bord, les calzoneros de velours, avec des rangées de brillantes aiguillettes attachées à la veste par l'élégante ceinture. Nous vîmes des mangas et des tilmas, et des hommes chaussés de sandales comme dans les pays orientaux. Chez les femmes, nous pûmes admirer le gracieux rebozo, la courte naga et la chemisette brodée. Nous vîmes encore, sous les lourds et grossiers instruments de l'agriculture, la charrette grinçante, avec ses roues pleines, la charrue primitive, avec sa fourche à trois branches, à peine écorchant le sol, les bœufs sous le joug activés par l'aiguillon, les houes recourbées entre les mains des serfs péones. Tout cela, curieux et nouveau pour nous, indiquait un pays où les connaissances agricoles n'en étaient qu'au premier rudiment. En route, nous rencontrâmes de nombreux atalros conduits par leurs arrieros. Les mules étaient petites, à poils ras, à jambes grelées et rétives. Les arrieros avaient pour monture des mustangs, aux jarrets nerveux. Les selles à hauts pommeaux et à hautes dossières, les brides en cordes de crin, les figures basanées et les barbes taillées en pointe des cavaliers, les énormes éperons sonnant à chaque pas, les exclamations « Hola, mula, malraya, vaya !» Nous remarquâmes toutes ces choses, qui était pour nous autant d'indices du caractère hispano-américain des populations que nous traversions. Dans toutes autres circonstances, j'eusse été vivement intéressé. Mais alors, tout passait devant moi, comme un panorama ou comme les scènes fugitives d'un rêve prolongé. C'est avec ce caractère que les impressions de ce voyage sont restées dans ma mémoire. Je commençais à être sous l'influence du délire et de la fièvre. Ce n'était qu'un commencement. Néanmoins, cette disposition suffisait pour dénaturer l'image des objets qui m'environnaient et leur donner un aspect étrange et fatigant. Ma blessure me faisait souffrir de nouveau. L'ardeur du soleil, la poussière, la soif et par-dessus tout, le misérable gîte que je trouvais dans les posadas du Nouveau-Mexique m'occasionnait des souffrances excessives. Le cinquième jour, après notre départ de Santa Fe, nous entrâmes dans le sale petit pueblo de Parida. J'avais l'intention d'y passer la nuit, mais j'y trouvais si peu de chances de m'établir un peu confortablement que je me décidai à pousser jusqu'à Socorro. C'était le dernier point habité du Nouveau-Mexique, et nous approchions du terrible désert, la Romada del Muerte, l'étape de la mort. God ne connaissait pas le pays, et à Parida je m'étais pourvu d'un guide qui nous était indispensable. Cet homme avait offert ses services, et comme j'avais appris qu'il ne nous serait pas si facile d'en trouver un autre à Socorro, j'avais été forcé de le garder. C'était un gaillard de mauvaise mine, velu comme un ours, et qui m'avait fortement déplu à première vue. Mais je vis en arrivant à Socorro que j'avais été bien informé. Impossible d'y trouver un guide à quelque prix que ce fût, tant était grande la terreur inspirée par la Romada et ses hôtes fréquents, les Apaches. Socorro était en pleine rumeur à propos de nouvelles incursions des Indiens. Ceux-ci avaient attaqué un convoi près du passage de Fra Cristobal et massacré les arrieros jusqu'au dernier. Le village était consterné. Les habitants redoutaient une attaque et me considérèrent comme atteint de folie quand je fis connaître mon intention de traverser le désert. Je commençais à craindre qu'on ne détournât mon guide de son engagement, mais il resta inébranlable et assura plus que jamais qu'il nous accompagnerait jusqu'au bout. Indépendamment de la chance de rencontrer les Apaches, j'étais en assez mauvaise position pour affronter la Romada. Ma blessure était devenue très douloureuse et j'étais dévoré par la fièvre. Mais la caravane avait traversé Socorro, 3 jours seulement auparavant, et j'avais l'espoir de rejoindre mes anciens compagnons, avant qu'ils eussent atteint El Paso. Cela me détermina à fixer mon départ au lendemain matin. et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour une course rapide. God et moi, nous nous éveillâmes avant le jour. Mon domestique sortit pour avertir le guide et sceller les chevaux et les mules. Je restai dans la maison pour préparer le café avant de partir. J'avais pour témoin oisif de cette opération le maître de l'auberge, qui s'était levé et se promenait gravement dans la salle, enveloppé dans son sérapé. Au beau milieu de ma besogne, je fus interrompu par la voix de God, qui appelait du dehors. « Mon maître, mon maître, le gredin s'est sauvé. »« Qu'est-ce que vous dites ? Qui est-ce qui s'est sauvé ?»« Oh, monsieur, le Mexicain avec la mule, il l'a volé, et s'est sauvé avec. Venez, monsieur, venez !» Rempli d'inquiétude, je suivis le Canadien à l'écurie. Mon cheval, Dieu merci, il était là. Une des mules manquait. C'était celle que le guide avait montée depuis Patrida. Peut-être n'est-il pas encore parti, hasardai-je. Il peut se faire qu'il soit encore dans la ville. Nous cherchâmes de tous côtés et envoyâmes dans toutes les directions, mais sans succès. Nos doutes furent enfin levés par quelques hommes arrivant pour le marché. Ils avaient rencontré notre homme beaucoup plus haut, le long de la rivière, menant la mule au triple galop. Que pouvions-nous faire ? Le poursuivre jusqu'à Parida ? C'était une journée de perdu. Je pensais bien d'ailleurs qu'il n'aurait pas été si sot que de prendre cette direction. L'eût-il fait, c'eût été peine perdue pour nous que de nous adresser à la justice. En conséquence, je pris le parti de laisser cela, jusqu'à ce que le retour de la caravane me mît à même de retrouver le voleur, et de poursuivre son châtiment devant les autorités. Mes regrets de la perte de mon mulet furent quelque peu mélangés d'une sorte de reconnaissance envers le coquin qui l'avait volé, lorsque je caressais de la main le nez de mon bon cheval. Pourquoi n'avait pas-il pris Moreau de préférence à la mule ? C'est une question que je n'ai jamais pu résoudre jusqu'à présent. Je ne puis m'expliquer la préférence de cette canaille qu'en l'attribuant à quelques scrupules d'un vieux reste d'honnêteté ou la stupidité la plus complète. Je cherchais à me procurer un autre guide. Je m'adressais à tous les habitants de Socorro, mais ce fut en vain. Ils ne connaissaient pas un homme qui voulût consentir à entreprendre un tel voyage. « Los Apaches, Los Apaches !» Je m'adressais aux péons, aux mendiants de la place. « Los Apaches !» Partout où je me tournais, je ne recevais qu'une réponse « Los Apaches !» Et un petit mouvement du doigt indicateur à la hauteur du nez, ce qui est la façon la plus expressive de dire non dans tout le Mexique. Il est clair, God, que nous ne trouverons pas de guide. Il faut affronter la Romada sans sa secours. Qu'en dites-vous, voyageur ? Je suis prêt, mon maître. Allons. Suivi de mon fidèle compagnon, avec la seule mule de bagages qui nous resta, je pris la route du désert. Nous dormîmes la nuit suivante au milieu des ruines de Valverde. Et le lendemain, parti de très bonne heure, nous entrions dans la Renarda del Norte,